Mais la raison pour laquelle l'homme n'a pas de succès dans sa vie, c'est parce que l'homme ne suit pas les directives de son esprit. Il suit la détermination de son ego. Mais si l'homme avait vécu le choc d'effroi de l'esprit, il aurait appris à vivre de son esprit et éventuellement son esprit aurait nourri de plus en plus son corps mental, son corps émotionnel, sans parler des autres. Et automatiquement, ça deviendrait de plus en plus facile pour lui de prendre des décisions. Parce que quand tu es dans l'esprit, des décisions, laisse-moi dire que tu peux en prendre. Mais quand tu les prends, tu les prends froidement. Tu rationalises pas tes décisions. Parce que c'est impossible à un homme de rationaliser une décision, parce qu'un homme ne connaît jamais la conséquence de sa décision. Alors, connaissant pas la conséquence de sa décision, il vit de l'inquiétude de la conséquence de sa décision. C'est pour ça que les gens prennent des décisions et sont jamais sûrs, sont jamais heureux parfaitement avec leur décision. Il est tout comme une petite crotte qui traîne. Mais un homme qui est dans son esprit, qui prend une décision, il regarde jamais en arrière. Il regarde en avant, puis avant. La fausse émotion de sa décision, de sorte qu'il bâtit, puis qu'il bâtit, puis qu'il bâtit, puis qu'il bâtit, puis qu'il bâtit, puis qu'il bâtit, puis qu'il bâtit. Mais nous autres, avec nos décisions humaines, avec nos décisions égocentriques, on bâtit. Dans le fond, on bâtit pas. C'est qu'on avance pour reculer un petit peu. Puis on avance pour reculer un petit peu. Puis on avance pour reculer un petit peu. Ça, c'est le cas de notre champ. Prendre une décision dans la vie, ce n'est pas l'affaire de l'âme, c'est l'affaire de l'esprit dans l'âme. Un ego ne peut pas prendre une décision finalisante dans sa vie, c'est impossible. Il va prendre une décision circonstancielle et expérientielle, puis ça ne va pas de mal. Mettez ça dans votre pipe. Il n'y a pas un ego qui peut prendre une décision intégrale dans sa vie parce que les décisions de vie sont conditionnées par l'état mental inférieur et l'état émotif de l'ego. Autrement dit, elles sont conditionnées par la mémoire de l'ego. Et la mémoire de l'ego, c'est déjà du matériel mort dans la vie de l'homme. Mettez ça en votre pépoussée. C'est pour ça que c'est si dur à l'homme de vivre de l'esprit, c'est pour ça que c'est si dur à l'esprit de rentrer dans l'homme, c'est pour ça que quand l'esprit rentre dans l'homme, ça crée un mood de choc, puis j'appelle ça de l'effroi. Mais après ça, t'as plus peur. Quand t'as passé par le choc de l'effroi de l'esprit, t'as plus peur. Fait qu'à ce moment-là, quand t'as des décisions à prendre, c'est l'esprit qui est prêt, puis l'ego, lui, il a canalisé. Puis c'est le même, ça doit être vie, la vie, ça doit être vécu la vie. Puis tant que vous ne vivrez pas vos vies de même, vous aurez des petites vies. Puis quand je dis des petites vies, je veux pas dire que je condamne des petites vies. Je veux dire des petites vies. Des petits pains. Autrement dit, vous demeurerez des pauvres ou vous demeurez des êtres ou des hommes qui doivent quêter des salaires à d'autres êtres et à d'autres hommes. Quêter des salaires! Une des grandes lois de l'esprit, c'est la puissance de l'intelligence. Ça, c'est une des grandes lois de l'esprit. Et la puissance de l'intelligence, c'est la force qui détermine sur le plan matériel le rapport entre l'homme et l'esprit. Et cette force, elle est ascendante. Elle n'est jamais descendante. Jamais. Mais on vit nos vies à petits grains. On vit nos vies à petits grains. Ça veut dire qu'on vit nos vies partiellement à la fois. C'est-à-dire qu'on vit nos vies à petits pas, cherchant la sécurité. On vit nos vies avec attention. On vit nos vies en faisant attention. Et aussitôt qu'on vit nos vies en faisant attention, c'est pas notre vie qu'on vit, on vit la vie des autres. Par ricochet. Parce que ce sont les autres qui nous imposent les conditions qui font qu'on a besoin d'attention pour la vivre notre vie. La vie, c'est un processus dynamique qui n'engage aucunement l'ego. C'est un processus dynamique dans lequel il y a un échange d'énergie entre tous les plans de l'homme. Et c'est ça, la vie. Ça n'engage aucunement l'ego, la vie. Et vos vies, dans vos vies, vos égos sont engagés. Et l'engagement social de vos égos, c'est ce que j'appelle la carrière. Et c'est dans la carrière que vos égos deviennent les esclaves de l'homme sociétal. C'est dans la carrière que vous perdez la puissance de votre intelligence. Parce que c'est dans la carrière que vous avez donné à la société votre droit de vivre. C'est dans la carrière que vous avez donné à votre ego l'impression de faire quelque chose qui réfléchit bien sa personne devant les autres égos. La carrière, c'est quelque chose, c'est un état social d'esprit de l'homme moderne qui convient à l'homme moderne. Ça n'existait pas avant la carrière. Avant, il y avait du travail. Mais à ce temps, le travail a été transformé en carrière, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail, il y a rien que de la carrière. Les hommes ne travaillent plus aujourd'hui. Ils ont une carrière. C'est très dangereux pour l'homme, la carrière. C'est un des grands symptômes de la maladie économique du 20e siècle. La carrière, c'est le résultat de la fragmentation de la conscience humaine pour le bénéfice de la conscience collective planétaire. Sous la grande régie des monopoles et des grandes factions économiques mondiales. C'est ça, la carrière. Ça vaut pas de la merde, la carrière, que vous soyez médecin ou avocat ou quoi que ce soit. Ça vaut rien, une carrière. C'est dur pour l'ego de voir à travers de ça. Parce que l'ego voit seulement ce qu'il veut voir. Il ne voit pas ce qu'il doit voir. Et ne voyant pas ce qu'il doit voir, il ne peut pas voir ce qu'il peut voir. Alors, il voit rien. Alors, il rationalise, puis rationalise, puis rationalise, puis rationalise, puis rationalise, puis rationalise. Fait que s'il se conscientise, quelque part, dans le temps, il va savoir un maudit choc. Puis les gens qui se transmutent vont savoir un maudit choc dans le temps. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça n'a pas l'important. Mais l'homme qui se transmute va savoir, va vivre un maudit choc, qui est le froid. Ça va vous mettre votre crise de carrière à terre. Laissez-moi vous dire. Mais ça ne va pas vous empêcher de travailler, ben. Grande différence. Le travail, ça fait partie de la vie. La carrière, ça fait partie de l'état psychologique de l'homme moderne. C'est une situation, la carrière. Puis les gens vont payer le prix de leur carrière. Parce que la fabrique économique et politique de v'là 20 ans ou de v'là 40 ans, c'est plus la même aujourd'hui. Fait que vos petites carrières, tout à l'heure, ils valeront pas grand-chose. Fait que vous êtes mieux de commencer à contempler puis à regarder le travail plutôt que la carrière. Et il y a une différence. Le travail, c'est pour soi. La carrière, c'est pour tout le monde. C'est pour ton patron, c'est pour le patron du patron, puis le patron du patron, puis le patron du patron. Puis toi, t'as le coup de même, puis t'attends qu'ils te disent « T'as bien fait ça dans l'affaire, puis tu montes un petit peu plus haut. » C'est ça, la carrière. C'est pas pour vous autres, la carrière. C'est pour l'industrie, pour le système à l'intérieur duquel vous travaillez, la carrière. Puis vous êtes maintenu par des fils invisibles, puis vous le réalisez même pas. Alors, pour se sécuriser, l'homme de carrière, qu'est-ce qu'il a fait? Puis ça commence un petit peu plus, là. Il commence à faire des unions. Il s'unifie. Pourquoi? Pour sauver et protéger sa carrière. Fait que quand t'as des médecins qui se carriérisent ou qui s'unifient par l'union, puis des avocats qui tombent dans l'union, tu finis par quoi? Tu finis par un système socialiste. Puis quand t'as un système socialiste, qu'est-ce que t'as? t'as une conscience collective qui ne s'occupe pas de l'individu, de l'homme libre, mais qui s'occupe de l'homme productif. Parce que les gens font des différences philosophiques entre le socialiste et le communiste. Il n'y en a pas une crise de différence entre le socialiste et le communiste. La seule différence, c'est que le socialiste, c'est une forme de communiste adaptée au monde capitaliste. C'est ça, la différence entre les deux. Fait que, arrivez au bout de vos grandes théories marxistes. Moi, toutes, vous les foncez, vos théories marxistes. Vos philosophies de merde. Là où il y a, dans la vie de l'homme, un affrontement entre l'esprit de l'homme et l'ego de l'homme, et où l'ego de l'homme prend le dessus sur l'esprit de l'homme, vous aviez une déformation d'un système politique, que ce soit capitaliste, socialiste ou communiste. C'est la même merde. Pis c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Fait qu'il est temps que l'homme commence à rentrer dans son esprit et qu'il souffle le choc d'effroi que peut lui donner l'esprit pour en arriver à revenir au travail jusqu'à temps qu'il passe à l'étape et qu'il n'ait plus besoin de travailler. Parce que tu peux pas rentrer dans l'esprit de l'homme et poursuivre une carrière indéfiniment. Tu peux le faire pendant 10 ans. Pendant 15 ans, ben un jour, tu pourras plus. Parce que savez-vous qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme? C'est la partie la plus près de l'intelligence. Et tout ce qui est intelligent est créatif, et tout ce qui est créatif meurt par lui-même, pour lui-même, envers lui-même, pour tout le temps. Fait que c'est pas envers les autres, puis pour les autres. Moi, je te garantis que demain matin, si je rentre dans une industrie, dans quelques années, elle m'appartient à l'industrie. C'est final. Ou moi, je sors. Fait qu'il n'y a pas de jeu! Parce que l'esprit, c'est une force qui agglomère, qui agglomère, qui agglomère, qui agglomère. C'est infini, l'esprit. Fait que quand tu rentres dans l'esprit, puis l'esprit travaille avec l'ego, c'est l'esprit qui run. Fait que si l'ego a la force de prendre les conditions qu'impose l'esprit au système dans lequel il travaille, ça part. Une différence entre l'ego et l'esprit dans l'homme. C'est pour ça que si vous avez des carrières aujourd'hui, tant mieux, c'est parfait, c'est bon. Mais je vous dis que si vous transmutez un jour, vous en arriverez un jour à ne plus pouvoir vivre de votre carrière. Vous vivrez d'un travail. Beaucoup plus simple que votre carrière aujourd'hui. Mais qui vous suffira parce que déjà astralement, vous serez redéconditionné. J'ai rien contre la carrière. Mais j'ai beaucoup contre la fausse carrière. Et la plupart des hommes vivent d'une fausse carrière. Ils ne vivent pas d'une vraie carrière. Une vraie carrière, il n'y a aucun effort dedans. Il n'y a aucune recherche. Ça fait partie de ton esprit actif en relation avec l'ego. C'est la collaboration de l'esprit avec l'ego, une vraie carrière. Mais quand il n'y a pas de collaboration entre l'esprit et l'ego, à ce moment-là, c'est pas une vraie carrière, c'est une fausse carrière. Puis une fausse carrière amenuise la conscience chez l'homme, détruit la conscience chez l'homme. Et si l'homme doit transmuter un jour, l'esprit fera sauter la carrière. C'est automatique. Pour y créer à l'ego un choc et l'amener à développer une autre sécurité. Une sécurité qui est foncièrement orientée envers lui-même. Et non une sécurité orientée envers la société pour lui-même plus tard. Avec l'espoir que la société puisse plus tard lui donner cette sécurité. C'est pas des choses à discuter en public, mais c'est des choses à discuter en privé. Pour que les hommes voient. Parce que les hommes ne voient pas. Ils regardent. Il faut que l'homme voit. Puis quand tu vois ce que tu dois voir, pas ce que tu veux voir. Quand tu regardes, c'est tu vois ce que tu veux voir. Mais quand tu vois ce que tu dois voir. Puis ça, c'est de l'intelligence. C'est une prise de conscience. Mais la plupart des gens voient ce qu'ils veulent voir. Mais continuez à voir ce que vous voulez voir. Vous allez finir sur le trottoir. Tu Suivi les nouvelles dans le monde. Il y en a de la télévision, là, c'est rendu que les nouvelles sont plus intéressantes que n'importe quoi. Watchez Barbara Frum, là, tu vois. Fifth Estate. Les programmes en anglais, pas des programmes français. Il n'y a pas des programmes français au Québec. Moi, si vous comprenez pas, vous allez voir les images. On pense toujours, nous autres, que ça viendra pas ici. Soyez pas sûr que ça, que ça viendra pas ici. L'homme doit construire sa vie. Et c'est seulement quand il a construit sa vie qu'il peut vivre sa vie. Mais tant qu'il n'a pas construit sa vie, il ne peut pas vivre sa vie. Il l'exécute selon les circonstances environnantes. Il vit dans les périmètres. Ça se construit une vie. Ça se construit avec l'esprit, pas l'ego ou l'intellect de l'ego. Ça va-tu selon les impressions que tu subis? Pardon? Ça va-tu selon les impressions que tu subis? Non, c'est ça la différence. Il doit aller jamais selon les impressions que tu subis, il doit aller selon l'esprit. Il n'y a pas d'impression dans l'esprit. Mais dans l'ego, il y a des impressions. Il doit aller selon l'esprit. C'est pour ça que c'est nécessaire le choc d'effroi que crée l'esprit parce qu'éventuellement, ça force l'ego à s'imbiber de lui, à s'alimenter de lui, jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable, cet ego-là, de vivre des impressions qu'il a subies dans le passé. Pour que l'ego arrête complètement de vivre en relation avec le passé, mais qu'il vive en relation avec son esprit tout de suite, qui fonctionne dans lui. Là, à ce moment-là, le gars, il se construit une vie. Puis laisse-moi dire que c'est pas une vie qui est calquée, puis qui est calcable, et que tu peux retrouver dans les annales de la société de l'homme. C'est une vie qui est totalement particulière à lui-même. Si brise, c'est des impressions. Très bien. S'il brise énormément les lois sociales, l'impôt, je ne sais pas tout ce que vous voudrez. Tu brises avec pas. L'intelligence, il ne brise pas. Il va avoir sa liberté. Quand tu es dans l'intelligence, quand tu es dans l'esprit, tu ne brises pas les lois. Non, je ne vais pas vous entendre ça. Ça brise pas les lois, l'intelligence. L'intelligence, ça éclaire l'homme pour qu'il comprenne bien les lois. Hein? D'accord. C'est ça bien fatigant, les lois de l'homme. Les lois de l'homme sont nécessaires, sont essentielles. Mais si l'homme est dans l'esprit, il comprend les lois. Fait que si tu comprends les lois, tu n'en souffres pas des lois. Tant qu'il y a des sauvages dans le monde, ça prend des lois. Mais l'esprit qui vit à l'intérieur d'une forme où il y a des lois doit comprendre les lois. Et s'il est dans l'esprit, il comprend les lois. Ça sait s'il y a une loi du bon sens ou s'il n'y a pas de bon sens. Puis ça sait si ça vaut la peine de perdre l'énergie contre une loi ou non parce qu'il n'y a pas de bon sens. Puis ça sait quand est-ce qu'elle va être changée à la loi. Ça sait comment ça s'est défendu, une loi. Toutes les lois se défendent. C'est pas les lois qui sont les problèmes pour l'homme. C'est que lui, il est prisonnier de ses émotions et automatiquement, il est abruti par la loi. Dans notre petit train-train de tous les jours, il y en a une qui me parlait à soir, elle me dit, je suis comme encadré dans quatre murs, là, j'ai quatre murs, là, puis je suis pas capable de sortir de ça. Là. Je dis c'est bien. Ça te supplie, ben je dis c'est bien. Elle va comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit c'est bien. C'est le travail sur le corps astral. Corps astral. Parce que c'est le corps astral qui nous enlève le pouvoir de l'esprit. C'est le corps astral, c'est nos crises d'émotion qui nous bloquent. Toutes les raisons, possibles, imaginables. C'est nos émotions. Puis on se dit, on n'a pas d'intelligence de l'esprit, on n'a pas d'esprit, on n'est pas... Je comprends qu'on peut pas être dans notre esprit, on est voilé par nos émotions. Fait que tant qu'ils te mettent dans une petite boîte, là, tu restes dans une petite boîte comme les gars durant la guerre au Japon, là, à ce moment-là, ils se font un travail. Fait que quand ils enlèvent les murs, tu respires. C'est ça qu'ils font. Ça crée une pression psychologique. Ça étouffe l'ego. Puis l'ego, il faut qu'il soit étouffé pour mieux respirer après. Parce que là, il respire la gazeline, là, puis il pense que ça fonctionne, parce que ça pète. Ça crée un petit effroi quand t'es mis dans une petite boîte puis t'as pas de sortie. Là. Ça inquiète. On veut comprendre les lois de l'intelligence, les lois de la vie. On veut comprendre la vie, mais on veut pas payer le prix. Heureusement que la transmutation des hommes sur la Terre, c'est quelque chose qui est imposé à l'homme, parce qu'il n'y en a pas un maudit qui irait. Il n'y en a pas un maudit qui irait. Moi, le premier. Si ça ne m'était pas imposé, il faudrait vraiment aller. Le premier, de tout le monde. Ben trop tough. Il y en a un qui me dit, va me suicider, j'ai dit, suicide-toi. Calisse. Ça va en faire un de moins sur la planète. Suicidé. Je me suicider. Tant que l'ego est capable de rationaliser sa condition humaine, il est pas assez dans l'esprit. Il y en a qui ont dépassé ce stage-là. Elle, la petite, a dépassé ce stage-là. Elle. Tu commences à respirer quand t'es rendu. Elle rationalise encore ce stage-là, pour qu'elle vit. Mais un jour... Tant qu'on rationalise notre condition humaine, on n'est pas dans l'esprit. Dans notre esprit. C'est puissant notre esprit. C'est tout ce qu'on a, notre esprit. À part de ça, on est détenu. T'es-tu déjà vu dans le cercueil? Ils te mettent une petite bavette jusqu'au nombril, puis t'as tout le reste du solaire. T'as plus rien. Comment tu seras un roi? C'est pour ça que j'essaie d'imprimer dans votre esprit l'importance de réaliser et de capitaliser sur les situations qui créent de l'effroi. C'est bon. Je le sais, je l'ai vécu. C'est au bout. C'est une faveur. Si vous n'avez pas à vivre de ça, mais tant mieux. Mais si vous avez à vivre, tant mieux. Là, je commence à être écœuré un petit peu. Ça commence, parce que moi, ça se fait lentement. Je commence à être écœuré des faibles. Je commence. Le paraque m'a commencé en 83, mais être bien écœuré des faibles. Je sais pas encore ce que ça veut dire, là, mais je sais que ça commence. Ça, ça veut dire que dans ce temps-là, je suis prêt à prendre du monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis dire, bon, ben, j'ai un temps, là, on va se mettre dans le temps, puis là, on va vous parler dans le nez, à votre hauteur, puis vous allez pouvoir comprendre. Parce que j'ai plus de temps à perdre. Les autres, ben, ils liront de mémoire, puis ils suivront, puis ils suivront, puis ils suivront après. Mais j'ai plus de temps à perdre, j'ai trop de choses à dire. Résoudre les problèmes personnels du monde. J'ai plus de temps pour résoudre les problèmes personnels du monde. Faut que les gens résoudent leurs problèmes par eux-mêmes. Faut qu'ils vivent leur expérience. Faut qu'ils vivent leur effroi, le monde. Au moins, vous êtes chanceux, vous avez des points de référence pour vous faire comprendre tous vos états. C'est au moins ça. Quand je vais vous expliquer la nature de l'intelligence, demain, vous allez friquer net si vous n'en arrivez pas à comprendre les nécessités de vivre le froid. Parce qu'il ne restera plus grand-chose à votre ego, mais je vous l'explique. On doit apprendre à ne pas s'appuyer sur nous-mêmes. C'est mortel s'appuyer sur nous-mêmes. On se nourrit de notre mémoire. Puis les cycles de pénétration de ces forces-là deviennent de plus en plus forts, de plus en plus grands, de plus en plus intenses. Alors, il faut que les gens puissent être capable de vivre ces cycles-là, puis pas craquer, pas fondre. Mais les supporter avec des épaules bien carrées, puis arrêter de paniquer. C'est une illusion de l'ego, la panique. Dans toute expérience humaine, à quelque niveau que ce soit, l'homme doit vivre des épreuves, à tous les niveaux. Même dans les niveaux les plus physiques, comme les Olympiques, le gars est obligé de vivre des épreuves, puis des épreuves, puis des épreuves, puis des épreuves, puis des épreuves. Jusqu'à temps que, pour lui, ça devienne une grande facilité, son agilité. Mais au niveau de nous autres, c'est la même chose. Il faut qu'on en vive des épreuves, puis plus qu'on rentre dans l'esprit, plus on en vit, mais plus on est capable de les supporter. Pour qu'on passe éventuellement du stage égoïque dense au stage égoïque translucide, où le mental, l'émotion, puis le vital, puis le physique sont très harmonisés, où on peut plus être malade pour rien. Mais on fait pas confiance à cette partie de nous-mêmes qui est éternelle, qui meurt pas. Je ne parle pas de l'âme. Je parle de l'esprit. Puis aussitôt qu'on ne fait pas confiance à cette partie-là de nous-mêmes, puis c'est bien subtil de faire confiance à cette partie-là de nous-mêmes. Se faire confiance à ce parti-là de nous-mêmes, c'est ne jamais laisser notre ego faire interférence avec cette confiance-là. Aussitôt que tu laisses ton ego faire interférence avec cette confiance-là, tu viens de perdre d'énergie. Tu viens de tomber sous cette domination. Parce que c'est impossible à l'homme de faire quelque chose de croche. Il pense, lui, qu'il fait quelque chose de croche. Puis c'est pour ça qu'il fait quelque chose de croche. Puis s'il pensera pas, puis agirait, il fera pas quelque chose de croche. Il fera quelque chose de tellement droit qu'il verra qu'avant, il était tout croche. Puis on n'est pas capable de vivre puis de faire quelque chose de droit. On n'est pas capable, parce qu'on n'a pas cette confiance-là dans cette partie de nous-mêmes qui fait partie de notre esprit. On le met en doute, puis on le questionne, puis on a peur, puis on raisonne. Maudit qu'on raisonne. Elle s'en va dans le sud, là, elle sait pas pourquoi est-ce qu'elle s'en va, elle sait qu'elle devra pas y aller selon sa situation, mais il y a une poussée qu'elle y aille, fait qu'elle y va. C'est de même qu'on vit, câlisse. Quand ça te pousse d'un rein, tu y vas. Tu rationalises pas ton bureau, tes affaires, patati patata, tu y vas. Mais on n'est pas capable de vivre de même, parce qu'on est lié à des fils. Pis des fils, pis des fils. Fait qu'on reste accroché à nos fils. Ça prend de l'intelligence pour faire confiance à cette autre partie de soi. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas une de la faire parler, c'est de la faire vécue aussi. Et ensuite, les gens ont des problèmes. Je comprends que les gens ont des problèmes. Si vous autres avez des problèmes, même tout le monde aussi. Puis dans les années qui viennent, en 82, dans les mois qui viennent, il y a des gens qui vont vivre des changements, puis c'est déjà commencé, des changements vibratoires au niveau du corps astral, suffisamment intenses pour créer cet effroi-là. Puis quand vous les vivrez, ces maudits états-là, mais vivez-les donc, puis restez donc tranquilles. Soyez donc contents que ça se passe. C'est un bon signe. Il y en a qui vont perdre connaissance dans ces états-là, mais perdez connaissance, cassez-vous pas la tête. Il y en a qui vont penser qu'ils sont possédés dans ces états-là. Vivez-les dans votre possession, jusqu'à temps qu'elle se dépossède. L'ego va vous donner toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons pour s'inquiéter. Toutes sortes de raisons. C'est sa nature. Quand je dis que ça n'existe pas le mal, quand on n'y croit pas. Si vous y croyez, ça existe. Plus vous y croyez, plus ça va exister. Fait que si vous êtes des témoins de Jéhovah, puis vous croyez bien gros, mais c'est évident qu'on est tous des maudits athées, puis on est tous donnés. Regardez le mouvement international des témoins de Jéhovah. Moi, j'étais un antéchrist. Vous autres, vous êtes tous dans la magie noire. Il est temps que les gens rouvrent la lumière. Plus on est dans notre esprit, plus on est obligé de supporter le poids de notre intelligence tout seul. On ne peut plus demander l'opinion à personne. Pis ça, c'est pas facile pour des égos qui ont été endoctrinés pendant des siècles à penser avec les pensées des autres. C'est pas facile. Surtout quand les opinions viennent de haut lieu. Puis eux autres, ils disent « au lieu d'eux autres ». C'est tout le temps présent de l'esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une force immanente qui te nourrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis t'es toujours tout seul avec cette force-là. Puis t'en souffres jamais. Mais quand il y a la porte, c'est tough. C'est le froid. Fait que si vous avez la chienne, tant mieux. La crainte, la chienne, c'est l'inversion de l'intelligence. C'est l'inversion de l'intelligence. C'est l'opposé, autrement dit, pour ceux qui ne sont pas à l'école longtemps. La conscientisation, c'est pas. La conscientisation, c'est pas un état qui arrête, qui fige. Ça arrête pas! Parce que l'intelligence n'arrête pas. Parce que l'esprit, c'est infini. T'as pas de borne. Parce qu'éventuellement, l'ego est washé. Tu commences-tu à en sortir un petit peu de la crainte, toi? Un petit peu. Ça commence. Bon. C'est pas facile. Puis je le comprends, puis si vous voulez que je vous dise, je ne pouvais pas vous poudrer. Mais au moins, je vous l'explique. Puis avec le temps, vous voyez que ça se tasse, puis ça se tasse, puis ça se tasse, puis ça se tasse, puis ça se tasse. Faut que le monde en arrive éventuellement à sortir de la crainte de moi. Il y a du monde qui ont peur de moi. Peur de quoi? Pas de moi qui ont peur, c'est d'eux autres. Arrêtez d'avoir peur de vous autres. Vous n'aurez plus peur de moi. Peur de moi. Ma mère n'a pas peur de moi. Moi, j'ai peur de ma mère. C'est une bonne mesure pour vous autres, moi, de la crainte. C'est une bonne mesure pour vous autres. Si vous êtes capable de dépasser la crainte de moi, vous êtes au bout. Après ça, ben, it's easy. Je peux dire n'importe quoi, je peux ouvrir n'importe quelle porte. Là, au moins, votre esprit s'allume, puis il s'éveille, puis il s'éveille, puis il s'éveille. Mais si vous avez la crainte de moi, vous allez bloquer, vous allez bloquer, vous allez bloquer. Puis le froid, c'est fait pour détruire en nous notre insécurité foncière. À tous les niveaux. Ça nous clean. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des... J'en ai des expériences, moi, qui créent de l'effroi. Je n'ai eu une cette semaine, une expérience qui crée de l'effroi. Mais je panique pas! Je referai à l'esprit qui génère mon esprit. Ça arrête. Fait que si vous vivez des conditions d'effroi dans votre vie des années qui viennent, c'est bon. Pourvu que vous ne rationalisez pas. Puis que vous ne pensez pas toujours en termes du mal, puis des forces du mal, puis toute la niaiserie ésotérique, là. Ou spirituelle ou religieuse. Regardez les choses avec votre esprit, pas avec votre intellect. Puis vos émotions. Puis les fois, c'est essentiel parce qu'ils vont vous amener petit à petit, à pouvoir voir. Faut que vous en arriviez un jour à voir avec les yeux de votre esprit, pas les yeux de votre corps. Ça vaut rien. Mais avec les yeux de votre esprit, pour que vous puissiez mieux connaître la matière et les autres plans. Fait qu'ils sont en train de petit à petit vous donner des yeux, puis vous donner des yeux, puis vous donner des yeux, mais ce que vous voyez tout de suite, parce que c'est pas clair, ça vous crée de l'effroi. Quand vous le verrez clairement, ça vous créera plus d'effroi. Vous saurez quoi faire. L'homme est crainte. Il est crainte. À tous les niveaux. C'est la fondation même de son ego, la crainte. Puis les expériences, les exigences de chaque jour ne sont pas bien exécutées à cause de la crainte. C'est pour ça qu'on a des petites vies. Ça vient de l'esprit. C'est parce que c'est pas clair. C'est parce que c'est pas assez présent, l'esprit. T'attends, qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé d'attendre. C'est toujours de l'esprit. Mais ça passe pas. Mais quand ça passe pas, ben tu te mets au nœud. Ou tu souffles la situation, mais t'as pas le choix. Mais ce qui est important pour vous autres de comprendre, c'est que quand ça se vit, ces expériences-là, que vous autres, au niveau de votre ego, vous vous désengagez de la valeur morale de ça. Que vous viviez simplement l'expérience difficile, vibratoire de ça. Le choc. Ah, ça peut en avoir. C'est connecté. Mais c'est dans la tête que c'est le pire. Après avoir passé ces épreuves-là, là, est-ce qu'il y a un état qu'on on se sent très bien à travers une multitude d'esprits? Un très bien profond, un très bien exceptionnel, un très bien quelque chose, je ne sais pas comment l'exprimer. Et un état d'harmonie. Quand t'as pas de crainte, t'as pas de crainte. Quand t'as pas de crainte, que tu vives n'importe quel état, t'as pas de crainte. T'sais, tu peux être dans ton esprit puis vivre des expériences ou aller dans des plans. Vivre des expériences qui sont pénibles peut-être pour le reste de l'homme, de l'humanité, mais toi, t'as pas de crainte. Fait que tu passes à travers. T'en souffres pas des états. On parle de souffrance, on peut parler aussi de jouissance. Un état de jouissance n'est pas qu'on est au-dessus de ça. Ah, c'est de l'ego, ça. Hein? C'est de l'ego, ça. Et à quel? Ça dépend à quel? Là. C'est de l'ego. Quand t'es... Si on parle d'harmonie, il n'y a pas un état de jouissance dans l'harmonie. Dans l'harmonie, il y a simplement un bien-être. Mais c'est un bien-être qui n'est pas de l'ego. Ah oui, je parle pas de celui-là non plus. Tu sais? Quand t'es dans l'esprit, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de réflexion dans l'ego. Fait que ce soit harmonieux ou désharmonieux, il n'y a pas de réflexion dans l'ego. Il n'y en a pas. L'ego devient une lentille à travers laquelle l'esprit regarde. Si l'ego est un état, son état de base est la crainte, ça veut dire souffrance. L'état de base de l'esprit, c'est quoi? C'est l'ego. L'état de base de l'esprit. Bon, c'est l'ego. C'est l'ego. Non, vous disiez tout à l'heure que